d'exotisme. C'est fou. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. On cuisinera la bouffe décadente du net avec notre chef Master Steph. On achètera des trucs cool du net dans 5 minutes, ça ne devrait pas là. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 15 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Maison. Ouah! Ça changera jamais, ça. Mm-hmm. Je vois pas pourquoi changer une formule gagnante. Ben, c'est ça. On a tellement de plaisir ici. On n'ira pas taper l'émission aux îles de la Madeleine. Hein? Ouais, on a très cher pour rien, je pense. C'est ça, tous les matins, comme ça. Donc, bonjour à toi. Bienvenue en studio, Steph. Bienvenue au petit requin. Ouais. Est-ce qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui? Tous bien. Est-ce qu'on essaie de tous se réveiller ensemble en même temps? Aujourd'hui, à l'émission, on a Master Steph à 9h. C'est la chronique culinaire, alimentaire et dentaire. Tu nous cuisines quelque chose. Est-ce que ça a rapport avec quelque chose? Est-ce qu'il y a des indices à donner? Je te dirais, oui, on y va avec les ingrédients traditionnels. Farine, sucre, non, pas beurre. Une recette avec... La farine dans la recette. Farine, sucre, beurre. Incroyable. Incroyable. On va faire aussi, ça existe, ça ne devrait pas, là, où on va acheter des choses qu'on ne devrait pas se permettre sur Internet parce qu'on s'en servira sûrement pas. C'est encore drôle, ça. Ouais, il y en a au moins un ou deux là-dedans qu'on va se servir. Oui. Inutile ou pas, on va s'en servir. Ouais. Et parlant d'inutile, on va faire son foutu palmarès. Quelque part autour de ça. Je savais que ça allait parler de toi. Mais on débute en musique, comme toujours. Et pour aller avec la température en ce moment, le soleil se fait secret. Donc voici Secret Sun. Arrête, on fait super beau. Cold Coast Highway. C'est juste qu'il est trop tôt. On s'en rendra compte plus tard. Pour l'instant, c'était Assemblage requis. L'émission qui laisse un léger froid en ce moment, je trouve. Oh! Ouais. You say we're getting close to the call. Secret Sun et Cold Coast, Assemblage Requis. Maintenant, on va lister des choses dans un ordre plus ou moins précis. Voici son foutu palmarès. Son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Et aujourd'hui, Stéphanie, je te propose une liste de choses bizarres trouvées à l'intérieur de murs. Ah, oh, c'est intéressant, ça! Ouais, ça devrait l'être. Est-ce que tu connais The Ballad of the Walled Up Wife? Non? Non. C'est l'histoire où il y avait des maçons, d'accord, qui étaient capables de construire un mur qui était capable de tenir debout. Après plusieurs années sans réussir, ils ont appris qu'ils avaient à faire un sacrifice pour que le mur tienne. Donc, quand la femme du maître maçon est décédée, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le mur. Et selon certaines versions de cette ballade-là, cette chanson-là, ben le mur est toujours debout aujourd'hui. Oh! OK? C'est une histoire bizarre. Mais justement, donc, ça nous amène à parler de d'autres choses qui ont été trouvées à l'intérieur de murs. Par exemple, des bébés. Ben voyons, tu commences rough, là, je trouve, ce matin. C'est de même, moi, je suis directement dans le tas. T'sais. Donc, en 1850, un bébé momifié est tombé d'un mur dans un appartement parisien. Le couple qui vivait dans l'appartement a été accusé de meurtre. Plus tard, on les a complètement exonérés lorsqu'un physicien a utilisé des insectes pour déterminer le moment de la mort de l'enfant. C'est la première fois dans la science criminalistique française que l'entomologie avait été utilisée pour un procès criminel. Et 28 ans plus tard, le pathologiste français Edmund Perrier-Meignet a utilisé des insectes pour calculer le moment de la mort d'un enfant momifié dans un autre cas similaire. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est pas parce que t'as un bébé mort dans tes murs que c'est nécessairement toi qui l'as tué. C'est ça, tu sais. On a tous un bébé mort quelque part, hein? Oui. C'est ça. Donc, des enfants momifiés, oui, ont été trouvés dans des murs. Aussi récemment qu'en 2007, un contracteur, Bob Kinghorn, a découvert le corps d'un enfant emballé dans du papier journal dans les murs d'une maison de l'Est de Toronto. La police a enquêté sur la mort de l'enfant, mais ils ont été incapables de déterminer la cause de la mort. Ah ouais, ils ont juste demandé à Bones. À Bones. Elle est vraiment bonne, Bones. Ouais, puis à Chose Angel qui est là-dedans aussi. David Berenas. Ben oui, il est beau, hein. Non. Ah, non. Pas mon genre. Ben, clairement pas mon genre non plus, mais il me semble. Il est clairement plus beau en chess qu'avec un chandail, là, parce que c'est pas sa face là, qui est hot. Là, ça devrait être un long chest. Hein, ouais, ça devrait être un homme tronc, ça serait suffisant. Ensuite, toujours sur la liste, des choses trouvées à l'intérieur de murs. De l'urine et des ongles. Ensemble? Ouais. de l'urine, des cheveux, donc des poils, des ongles, du fil rouge. Donc, tout ça était caché dans des murs et enterré dans des maisons pour faire une contrepartie ou pour se battre contre le sort d'une sorcière. Hein? Ah, OK. Ben oui, c'est logique. Bien sûr, on a trouvé ça à Greenwich en 2009. Ça datait du 17e siècle. Les chercheurs ont été capables d'analyser l'urine trouvée dans la bouteille et ça contenait des traces de nicotine. La bouteille contenait aussi un morceau de cuir coupé en forme de cœur et percé avec un clou de... De girofle. Avec un clou de girofle. Donc, les scientifiques ne sont pas certains de ce symbolisme, mais on a trouvé d'autres bouteilles avec des morceaux de tissu en forme de cœur percés par des épingles à travers l'histoire aussi. Un document de la cour en 1682 nous parle d'un mari qui croyait que sa femme était une sorcière. Donc, il devait faire bouillir dans un contenant d'urine, d'ongles et de poils, de faire bouillir quelque chose là-dedans pour enlever le sort, quelque chose du genre. Là, je comprends pas trop, mais quand même. Ensuite, on a parlé de bébé tantôt. Maintenant, parlons de bébé, d'enfants vivants. Okay. Hein? Ils n'ont pas trouvé ça dans des murs? Dans des murs. Vivant? Ça devait pas faire longtemps. Non, c'est ça, j'imagine que non. Donc, 2 ans après être disparu avec sa mère, Richard Chikidia, qui avait 6 ans, a été découvert dans un mur de la maison de sa grand-mère, pardon, en Illinois. Ricky est disparu en 2007. Ricky, c'est le surnom de Richard. Hein. C'est pas Dick? Son nom de Richard. Ça dépend. T'sais, des fois, il y a plusieurs Richard. Hein, fait qu'il y avait chacun leur surnom. Moi, je prendrais Ricky. Ricky, Rick, Dick, Dicky. Il y en a pas. Mais pas Shard. T'sais. Shard. T'sais. Rich. Rich, mais t'sais, pour faire le contraire, Shard. Non? Ouais. Donc, Ricky disparaît en 2007 après une grosse dispute par rapport aux droits légaux pour garder l'enfant chez eux, c'est les droits de garde, comme on appelle. Donc, entre sa mère Shannon Wilfong et son père Michael Chikevdi, sa grand-mère Diane Dobbs insistait que le garçon devrait vivre presque toute sa vie à l'extérieur des murs de la maison, se cachant seulement lorsque nécessaire. Par contre, la police disait que le garçon avait rarement le droit d'aller à l'extérieur et un juge a déterminé que le garçon s'était refusé l'accès à des soins médicaux, à de l'éducation et au contact avec ses amis. Donc les policiers ont trouvé le garçon et sa mère cachés dans une petite place derrière un bureau. Ils étaient dans le mur, dans une petite place entre le bureau et le mur. Ça, c'est freak. Ouais, vraiment étrange, mais bon. J'imagine que eux étaient plus heureux de faire ça que de donner la garde au père. Ouais. Des fois. Ensuite, de l'argent, bien sûr, trouvé à l'intérieur des murs. Ouais, ça me va. C'est pas surprenant, ben ouais, ça te va. On aimerait tous trouver de l'argent un peu partout, mais bon. Donc, en Ohio, un contracteur, Bob Kitts, a trouvé 182 000 $. OK, pas 2 piastres, là. Non. Et c'est de l'argent de l'ère de la dépression, donc la grande dépression américaine, à l'intérieur des murs d'une salle de bain qu'il rénovait. Il a appelé la propriétaire Amanda Reese, qui a offert 10 % de ce qu'il avait trouvé. Il a demandé, insisté pour avoir 40 % et la situation a bien sûr dégénéré après ça. Tu sais, tu trouves de l'argent que tu n'avais pas avant, là. Prends ce qu'on te donne, non? Oui, ben oui. En tant que tel? C'est sûr que la propriétaire de la maison, c'était, l'argent ne lui appartenait pas non plus, donc en tant que tel. Non, mais c'était sur son terrain. C'était sur son terrain, voilà. Donc, lorsque le Cleveland Plain Dealer a parlé de cette histoire-là, les descendants des propriétaires d'origine de la maison, donc Patrick Doone, entre autres, un homme d'affaires riche qui avait caché l'argent pendant la Grande Dépression, voulait aussi, évidemment, son argent. Ben oui, bien ben sûr. C'est clair. Hein? Donc, après une longue bataille en cours, tous les gens qui... Qui a coûté 180 000 $. Probablement, oui. En frais d'avocat. Donc, tous les gens qui voulaient l'argent ont reçu seulement une fraction de ce qui était trouvé. Évidemment, après les frais légaux, ça ne restait plus grand. C'est n'importe quoi. Ah, c'est triste, c'est triste. Ensuite, de l'art qui n'a pas de prix. Hein? De l'art vraiment, évidemment, qui vaut cher. En 1502, un Italien, Piero Soderini, a demandé à Leonardo da Vinci de peindre une scène de la célèbre Battle of Anghiari. Je n'ai aucune idée comment ça se dit en français. Donc, la peinture, apparemment, faisait 20 pieds de long et 10 pieds de haut. Dans les années 1550, Giorgio Vasari a demandé à ce qu'on peigne par-dessus la muraille, mais le peintre n'était pas capable de la détruire. Il trouvait ça trop beau. Donc, Maurizio Serratini, un diagnosticien artistique. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Quelqu'un qui fait des diagnostics artistiques à l'Université de la Californie à San Diego. Donc, qui lui cherchait des peintures perdues de Leonardo da Vinci depuis 36 ans. Serratini était convaincu que Vasari l'avait caché dans le mur et en fin du compte, il n'y avait pas tort. Hein? Oh. En 1970, il a découvert le mot Cerca Trova peint sur un drapeau de la muraille de Vasari. Serratini croyait que cette phrase-là, qui veut dire « cherche et tu trouveras », indiquait que Vasari avait construit un faux mur par-dessus la peinture pour pouvoir préserver la muraille. Donc, la technologie plus récente a permis aux chercheurs de prendre des photos du vide entre la murale de Vasari et le mur. Ils ont découvert que le pigment noir était similaire au pigment utilisé dans d'autres peintures de Leonardo da Vinci. Malheureusement, la bureaucratie et toutes ces affaires-là, les manifestations politiques et tout, ça a empêché l'enquête de continuer. Mais il y avait une bonne piste derrière ça. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste défoncé le mur. Ah, mais là... Défoncer le mur, ça aurait détruit quelque chose d'autre par-dessus. Non, on s'en fout. Mais... C'est Leonardo le plus important. Leonardo Ninja Turtle. Dans Titanic, tabarnouche. Non, mais... je parlais du Ninja Turtle. OK, fait qu'on avait comme 3 Léos en même temps. Nardo. Ou Nardo, comme je l'appelle, pour avoir Nardo, un autre surnom. Ouais. Parce qu'il y a tellement de Léo. Que... Ben, c'est ça, oui, je comprends tout à fait. Ensuite, dans les murs de sa maison de Oak Brook, en Illinois, un mafiosi. Un mafieux. Frank Calabrese cachait des bijoux, des armes à feu. Pas de saucisse, ça. Ou c'est du salami. Je pense que t'as raison, c'est une sorte de viande, en tout cas. Donc, cachait des armes à feu et bien sûr de l'argent cash money à l'intérieur du mur. Pendant son procès en 2007 à M. Calabrese et ses amis, Pepperoni et autres. Donc, les autorités ont découvert que le hitman cachait un paquet d'argent et d'armes dans les creux de sa maison. Après le procès, les agents fédéraux ont réussi à avoir un permis et ont découvert tout le trésor, le butin, hein, voilà, caché dans le sous-sol, dans des murs de des panneaux de bois, là, des genres de, comment t'appelles ça, du contreplaqué, si on veut, bref. Donc, les avocats de Calabrese ont dit au Chicago Tribune qu'ils pensaient que c'est ça le dérangeait, en fait, que ces choses-là n'aient pas été trouvées avant. Lors de d'autres recherches qu'ils avaient faites dans cette maison-là, comment ça que personne n'avait réussi à trouver ça? C'était pourtant clairement bien... bien, pas marqué, mais évident, genre. Mm-hmm. Ça avait l'air louche un peu comme place. Ensuite, toujours dans la liste des choses qu'on a trouvées à l'intérieur de murs, des souliers. Ça, c'est bizarre. Un peu bizarre. Une collection de souliers vieux de 300 ans a été trouvée... Ah, c'est-tu que c'était trouvé? Dans les murs de Gothic Liedberg Palace à Korschenbräuch, en Allemagne. Donc, à Lubenham, en Angleterre, une paire de souliers avait été intégrée dans le mur du Papillon Hall pour pouvoir, en fait, pour débarrasser la famille de décennies de malchance amenées par un sort, évidemment. Encore une fois, on parle de sort. Dans les chalets et les églises partout en Europe et aux États-Unis, des centaines de souliers ont été trouvés dans des murs. La pratique était tellement commune que dans le Northampton Borough Council, à cet endroit-là, on collectionne, on ramasse, on répertorie tous les suivis qui avaient été D'autres synonymes, moi j'essaie d'en trouver le plus possible. donc si vous en trouvez, vous devriez leur dire parce qu'ils gardent un petit agenda, un petit journal intime de ça, vous comprenez. On a comme théorie que la pratique de mettre des souliers dans des murs est faite pour la chance et pour éliminer les mauvais esprits, pour les empêcher d'entrer dans votre maison. Voilà. C'est comme un coup de pied dans leurs fesses. Voilà. C'est un soulier, mais qui passe. Pow! Bien dit, bien dit. Ensuite, des chats à l'intérieur de murs, Steph. Ben voyons donc, momifié aussi, j'imagine. Ben pas momifié, c'est momichat. Momifié. Momifié. Cacher des chats dans des murs était un rituel ancien pour éliminer les esprits maléfiques. Partout au Royaume-Uni, il y a des chats momifiés qui ont fréquemment été trouvés dans des murs entre le 17e et le 18e siècle. 17 et 18. Donc, un des exemples les plus célèbres était à Pendle, dans le Lincolnshire, où un chat momifié a été découvert dans le mur d'un vieux chalet. Donc, ce cottage était présumément l'endroit où une des sorcières les plus célèbres de l'Angleterre... je sais pas ce que ça veut dire le reste de la phrase. Which covered... un rassemblement de sorcières avait eu lieu, voilà. Donc, en 1612, 11 hommes et une femme de cette troupe-là ont été accusés de sorcellerie et ont été pendus. Ah oui, des hommes? Je pensais que c'était juste des femmes. 11 hommes et une femme. Ah, je suis étonné. Ouais. C'était des sorciers. Je suis aussi étonné. T'as bien raison. Si tu l'as pas souligné, je m'en serais même pas rendu compte en France. Et finalement, des sous-vêtements. Hein? La seule chose pire que... Oh, c'est un amant qui essaie de se sauver et il a pas réussi à sortir de là. Non, fait que trou dans le mur, c'est... Ben oui. Donc, la seule chose pire que de découvrir des sous-vêtements sales dans ta maison, c'est de découvrir des sous-vêtements sales qui datent de plusieurs siècles. Hein, bien sûr. Partout dans l'ouest de l'Europe, donc des propriétaires de maisons, on se va trouver des caches, donc des piles de sous-vêtements. Sous-vêtements et par-dessus, des vêtements en général cachés à l'intérieur des murs de leur maison. En fait, c'est tellement commun que souvent, on les rapporte pas, on le dit pas à personne. C'est juste, c'est normal, tout le monde vit ça. Tout le monde a des vêtements dans ses murs, tu sais. Donc, on dit que cette pratique-là de cacher des sous-vêtements dans les murs date du Moyen Âge. Les vêtements cachés étaient souvent portés et contenaient des objets cachés comme des documents et des pièces de monnaie. Selon le site web de Deliberately Concealed Garments Project, qui est un projet sur les sous-vêtements cachés délibérément, ça apporte vraiment ce nom-là. Vous pouvez les rechercher, les trouver sur concealedgarments.org. Je sais pas s'il y a des photos de ces sous-vêtements-là d'il y a plusieurs siècles. Tu veux vraiment les voir? Ben, je viens d'aller voir. Et ça a plus l'air de sous-vêtements rendus là. J'imagine. Hein? C'est un peu. Mon père, dans sa maison, il avait refait le plafond. Ouais. Et en ouvrant le plafond, il y a un plat de vis qui a tombé sur la tête. Fait, la personne qui avait fermé le plafond à l'origine avait laissé son plat de vis là. C'est un petit peu dangereux, un plat de vis sur la tête, je te dirais. Ouais, c'est pas ça le nom de ton père, plat de vis aussi? Non, c'est Langis, je pense. Plat de vis. J'ai fermé mon micro, t'as magéré fort, excuse-moi. La famille chez ton père, c'est Clovis, Langis, puis Plotvis, non? J'aime ça avoir des excuses immédiatement. Je m'excuse. Merci. Mais je continue de la trouver très, très, très drôle. ça doit être la fatigue. On s'en va entendre Propofol avec une nouvelle entrée du côté francophone. La seule, en fait, c'est La Rivière sur leur album Le Banquet. On écoute ça en 20e place francophone sur C'est fou. Propofol et La Rivière à Assemblage Requis. Au retour, on magazine dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a pendant pas mal l'heure au complet, je pense. Parfait, ça. On a du budget. J'ai ça magasiné en plus. On a trouvé de l'argent dans le mur. Parce qu'on a défoncé le studio, désolé. Oups. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Il est rendu 8 heures juste. Ben oui. C'est vrai, hein? Hey! Incroyable, on fait jamais ça, prendre la pub à la bonne heure ici. Ben non! C'est ça. Ce qu'on fait par contre, c'est prendre l'argent et se créer du bonheur. Tu comprends le genre? Que oui! Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique où on s'achète des choses sur Internet. Stéphanie, je pense que tu es prête. Mais hein. Toujours le portefeuille sur la table, prêt à être utilisé. Écoute, le numéro de carte de crédit déjà rentré. Tu le connais par cœur, hein, le numéro de sécurité derrière, là-dedans. Pour commencer, on va y aller avec du sexe un peu. Hein. Les enfants ont tous leur petit livre, Pop-up Book. Tu sais, où les, quand tu ouvres les pages, ça ouvre du carton dans les airs. Oui, ça fait des formes, en bon. 3D. Mais les parents, eux, hein, ils n'ont pas ça encore? Non, non. Là, ils en ont. C'est le Pop-up Book of Sex. Hein? C'est des façons de stimuler votre libido avec un petit livre un peu comme pour enfants, avec des formes, mais pas des formes, mais des corps qui sortent de la page en carton, en trois dimensions, pour vous aider à maîtriser l'art de faire l'amour. Ça coûte 27,23$. Voyons donc, il a ben trop les cheveux longs, le gars. T'aimes pas ça? Ben non. C'est vrai que ça a l'air un petit peu malpropre. Hein? Ben, il... C'est un pad. Il a juste l'air d'une fille avec une barbe. Ben, c'est ça, on dirait un mulet. On va se le dire, un mulet. Mais, sans, la censure, c'est ça, c'est le site Internet, là. C'est, ouais, c'est ça, exactement. C'est sur le site Internet, ouais. Une chance qu'ils ont censuré ça, des seins. En parenthèse, pour stimuler la libido, fait que j'espère qu'il n'y a pas de la pixelisation, c'est les seins. C'est pas très stimulant pour ma libido, ça. Ça laisse place à l'imagination. En tout cas, à 27,23$, ça, c'est la version censurée, puis ils te chargent le double pour la ouais, version c'est ça. Complète. Ensuite, est-ce que tu trouves des fois que ta télé n'est pas assez forte à la maison? Toujours. Ouais, est-ce que tu trouves que si tu montais le volume, tu dérangerais tes voisins? Je m'en sac. Ouais, ça ressemble à ça pas mal. Non, ben c'est parce qu'à un moment donné, oui, ça dérange les gens. Là. Ouais, exactement. Donc, il te faut le Portable Voice Clarifying TV Speaker qui augmente le son des fréquences seulement de la parole humaine. Donc, les voix vont sonner plus clairement, nous dit la compagnie derrière ça. Donc, on connecte la base à la sortie de son de sa télé et on peut entendre les conversations de la programmation mieux. La base a aussi un transmetteur radio dont vous pouvez enlever le haut-parleur et le rapprocher de vous tout en laissant la base près de la télé avec le fil branché pour le son jusqu'à 100 pieds de la base. Le haut-parleur est chargé par la base, donc 2 heures de charge pour 8 heures d'écoute. Et il a son propre contrôle pour le volume et le ton, là, la variation entre les graves et les aigus, etc. Mm-hmm. Il y a aussi une prise écouteur pour pouvoir écouter sans déranger personne. Donc encore mieux la nuit, tu pourrais avoir ta base connectée à ta télé, ton haut-parleur avec les écouteurs proches de ta table de nuit, mettons. Je sais pas, tu pourrais faire différentes combinaisons comme ça. Donc, le Portable Voice Clarifying TV Speaker coûte 149,95$ chez Hamaker Schlemmer. Je serais curieuse d'entendre la différence. Vraiment, hein? J'avoue que je suis sceptique aussi. Mais t'as pas joie de l'entendre avant de payer ce prix-là. C'est ça. Mais c'est ça. C'est Hamaker Schlemmer. Ils font beaucoup de gadgets. Là, on sait pas la qualité si elle est toujours au rendez-vous. Là. OK. Alors, en tout cas. Donc, c'est ça. Ensuite... Une tasse pour les gens qui ont des grosses mains, pour commencer, et pour les gens qui ont le goût du luxe un peu. OK. Hein? C'est la Mugger, M-U-G-R, la céramique et le bois. Deux matériaux plus luxueux, plus chers d'habitude. Hein? Oui. On fait pas grand-chose. On n'achète pas grand-chose de ces sont faits en ces matériaux-là, de la céramique et du bois, dans la vie de tous les jours, mettons. T'sais. À part de la céramique. Et du bois, entre autres. Ouais, mais mettons, ta vaisselle, elle sera plus... Tu sais, il y avait beaucoup de vaisselle en céramique dans le temps, mais on dirait que les gens sont rendus cheap avec leur vaisselle. La petite vaisselle facilement cassable, tu sais. Genre, pas que c'est de la céramique, c'est cassable aussi. Ouais. C'est ça. En bref, OK. Donc, Mugger rassemble ces deux matériaux-là. C'est une tasse de céramique, une tasse japonaise, hein, avec une poignée en bois très, très dure, très solide, du walnut. C'est quoi en français, du walnut? C'est du... Du mur de bois? Mur de bois. Non. Je sais pas. Donc, t'as pas... Une sorte d'arle, je sais pas lequel. Je pensais que c'était des noix de Grenoble. Non. Donc, ça doit être l'arbre qui va en arrière. Probablement. Donc, c'est fait pour rester froid en tout temps. Ça permet aussi d'empiler plusieurs tasses, une par-dessus l'autre, pour économiser de l'espace dans vos armoires. Ça coûte $40 chez Home Project. C'est super beau. C'est du noyer. Du noyer, merci, Steph. C'est super beau. Puis je trouve que la transition entre le bois et la céramique est quand même correcte. Oui, c'est fait subtilement. Et c'est une très grosse tasse, donc pour les grosses mains, ça va bien se tenir, qu'on dit. Dans la... Tu veux dire, ben, une grosse poignée, mais une grosse tasse où il rentre plus de café aussi? Ou... Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, je pense qu'ils veulent juste dire que la poignée est plus grosse qu'une poignée normale sur une tasse. Oui, elle est plus éloignée de la tasse. C'est plus ça, je crois. Mais bon, on l'a pas devant nous, hein. Et, non, moi, si j'aimerais ça. J'aimerais ça. Même s'il me disait les grandeurs, hein, on est tellement... Moi, ouais, non, c'est ça. Pas très bon pour les grandeurs. Ensuite, pour ceux qui portent des bottes régulièrement, vous savez que lasser et délasser des bottes, ça peut être difficile parce que, Colin, les cordons sont longs, il y a beaucoup de yeux et tout. La fleur, là? Comment? La fleur. Le yé. Oui, OK, la fleur. Alors, sinon, je pensais que c'était genre, genre les jeunes. Oh yeah, that's so nice, chill, you know. Oh yeah. Non, non, ils parlent pas si bien que ça, non, les jeunes, voyons. Non, donc, des bottes bien lancées, ça peut avoir un grand impact sur votre performance sur le terrain, par exemple dans l'armée. T'sais? Ben, tu sais, ben oui. T'as besoin des secondes comptes quand tu lances tes bottes. Donc, Tac Lace, qui est en instance de brevet, est fait justement pour vous aider à lancer vos bottes très, très rapidement et les délancer aussi. Vous avez qu'à installer tout ça à la base. Ensuite, vous tirez sur vos cordons. Vous faites le tour de votre cheville. Et la chevillette Chera, ah, okay. Comme on dit. Il y a une petite vidéo sur leur site web. Si tu cliques sur taclace.com, T-A-C-L-A-C-E.com, il y a deux petites vidéos. Et j'ai regardé ça tantôt. Tu tires vraiment sur l'ensemble au complet. Les cordons ont comme un genre de morceau de, on dirait du velcro au bout. Et quand okay. tu tires dessus, tu peux après ça faire un peu comme les bracelets, là, tu sais, genre, ou comme une montre, mais venir entourer ta cheville avec ça et ça colle, ça tient. Dans le fond, tu tires sur les lacets, tu tournes, tu fermes, ça prend quelques secondes à peine, c'est super bien fait. Ça a été testé, cool. Oui, testé par l'armée américaine, les Marines américains. Tac Lace devrait supporter un paquet de troubles que vous pouvez avoir sur le terrain et au travail. Et évidemment, ça va avec les règlements militaires sur l'habillage, le code vestimentaire. C'est disponible en noir, en vert feuillage, genre, en coyote tan, donc bronzage de coyote. Pour 17,99$. Il y a aussi une version Realtree Extra pour 19,99$ sur taclace.com pour les détaux, bien sûr, le pluriel de détails. C'est intéressant. Oui, c'est pas pire. Hein? On reste dans le même domaine, mais on va avec les souliers maintenant pour les rendre aussi plus faciles à attacher. On est tous pressés de nos jours. Hein? La journée commence vite. Oui, moi j'ai des souliers, même pas de lacets, je vais juste mettre mon pied dedans. Oui, j'avoue, ça c'est pratique. Uh-huh. C'est pratique, mais c'est pas aussi serré. Des fois, ça peut peut-être. Peut-être que les activités physiques vont être plus difficiles. Oui, non, c'est sûr que tu peux pas faire n'importe quoi avec ça. Il n'ira pas courir dans l'armée. Hein. Mais non. Mais non. De toute façon, si tu veux que je fasse là dans l'armée. Aucune discipline. Des yeux-tés. Des bombes et tout ça. C'est ça. Donc, une façon de sauver ou économiser un petit peu de temps chaque jour, c'est d'ajouter une paire de Zubits à vos souliers préférés. Les Zubits, c'est un projet sur Kickstarter. C'est un gadget, en fait, pour fermer de façon magnétique vos souliers. Ah? Zubits, donc, c'est deux morceaux. Faut pas t'échapper ta carte de crédit là-dessus. J'avoue. T'arrives, tu viens d'acheter ton affaire avec ta carte de crédit, puis là, tu l'as pas encore serré, puis là, tu croises ta carte de crédit si t'es en scène, non? Donc, Zubits, c'est deux morceaux. Ça remplace trois paires d'œillets sur vos souliers, finalement. Et donc, ça vous permet de sécuriser vos souliers avec un seul clic. Vous glissez votre pied dans le soulier, comme tu fais déjà présentement, OK? Et tu snaps les deux Zubits ensemble. C'est deux aimants de néodymium self-aligning magnets, donc des aimants qui vont s'aligner par elles-mêmes. Et ça va rester sur vos souliers tant et aussi longtemps que vous allez même courir et jouer à des sports. Zubits vient en une variété de couleurs et de formats. Il accompagne sur on a dit tantôt que c'était, pardon, c'était quoi? Je me rappelle plus lequel. C'est Kickstarter, voilà. A déjà plus de doublé son but, qui était de 29 000$. Si vous en voulez une part, vous pouvez donner 20$ avec le shipping. Ça devrait être envoyé en janvier 2015. Ouais, mais si c'est l'aimant qui se coche, je veux dire, tu peux pas choisir le degré de serrage de tes lacets. Non, c'est ça. Ben, on se demande si les aimants sont assez forts pour, si mettons, tu tires vraiment sur tes lacets, puis qu'après ça, tu snaps les aimants ensemble. J'imagine mais ça va être lousse, parce que les aimants, je veux dire, tu peux. Ils ont toujours la même distance, hein, tu comprends? Ouais. Moi, je me le demande parce qu'en tant que tel, tu vois que ça remplace tes trois œillets, mais ça reste des œillets quand même dans les aimants. Donc, l'aimant est fait en forme pour avoir les œillets quand même. Donc, j'imagine que tu dois pouvoir choisir soit la longueur de lacet que tu veux. OK, dans le fond, c'est comme si tu l'attachais avec l'aimant. C'est ça. Et juste pour l'enlever, tu fais juste enlever l'aimant. Hey, j'espère qu'il y a un mode d'emploi avec ça. Ben, parce que juste de lacer des souliers tout court, là, je trouve ça vraiment compliqué. Il y a une petite vidéo de démonstration sur la page Kickstarter qui est quand même bien expliquée. Et j'aime le logo de Zubits, c'est Z-U-B-I-T-S, mais le U est un aimant. Tu sais? Hein? Comme le U, là. Ouais. C'est un aimant, tu sais, des aimants en genre de fer à cheval. Ouais. Bon, ben c'est ça, le U, c'est un aimant. Oh! C'est bien fait. C'est joli. Bref, ils sont rendus à 164 000$, donc ils ont 3, 6, 9. Ils ont quadruplé, genre, mettons. OK, tu faisais des mathématiques. Ouais, 3, 6, 9, 12, 5. Ouais, c'est 15, ça fait. Ouais, en tout cas, bref. Ensuite, un disque dur qui s'efface lorsqu'on lui envoie un message texte. parfait, ça. Parfait. Il y a plusieurs raisons, en fait, de vouloir effacer son disque dur à distance. Il faut y avoir des renseignements vraiment confidentiels. L'AutoStasis 128T SSD Drive de la compagnie Secure Drives met en vedette un disque dur avec 256 bits AES CBC Hardware Level Encryption, de l'encryption vraiment intense, et l'authentification à deux facteurs, donc qu'il faut absolument l'authentifier par deux appareils. Donc, l'appareil fonctionne avec GSM, c'est-à-dire que si vous, vos affaires sont compromises, ça finit entre les mains de quelqu'un qui ne devrait pas l'avoir, avoir ce... ce ben oui, tout d'un coup, t'as la recette de la caramilk. Mettons. Là, ça tombe entre de mauvaises mains. Ou la prochaine recette de Madame Paradillon à Master Steph. Les mercredis. Ben oui, ça serait-tu terrible si quelqu'un découvrait ça à l'avance? On est à genre une heure, à peine, même pas, de cette recette-là. Fait que, hein? Bref, c'est tout ça est arrangé par GSM, donc avec vous allez pouvoir à distance appuyer sur un bouton pour tout détruire. Ça va en fait fragmenter physiquement le disque de façon à ce que ce soit irrécupérable. Ah, oh, ok, là tu peux plus l'utiliser après. Absolument là. Pas. Donc aussi, ça peut être activé avec d'autres causes. En fait, si quelqu'un essaie de défaire le module GSM, quelqu'un entrerait un code de sécurité trop de fois, donc le mauvais mot de passe plusieurs fois. Tu peux aussi même, si le niveau de pile est trop bas, donc qui n'a pas été chargé, ça veut dire que quelqu'un l'a amené à quelque part loin de sa batterie, ou encore si on essaie d'enlever le disque dur du PC, tout ça peut mener à la destruction du lecteur. Ça coûte environ 1660$ pour 128 gigs d'espace disque. Faut vraiment que tu aies quelque chose à cacher, hein? Pour vrai, et en plus, c'est genre, mais faut que tu aies assez d'affaires à cacher, mais pas autant que, mettons, le gouvernement américain, qui pour eux, ce serait sûrement pas assez comme... comme sécurité du non, tout, probablement ça. Pas. Mais en plus, tu perds tes données si on essaie de te les voler. Ouais. Si on essaie de te les voler, même pas de te les voler. Fait qu'il faut que tu aies plusieurs backups. Puis après ça, c'est quoi? Tu as plusieurs backups avec le même système ouais, de SSD? Ça fait que ça coûte cher. Oh, ça finit plus, cette histoire-là. Tu te rappelles peut-être, il y a quelques mois, Steph, on parlait des Ostrich Pillows. Les oreillers Ostrich. C'était un genre de casque oreiller que tu mettais sur la tête avec les bras dedans. Puis tu devais dormir dans le train, mettons. Ouais. Il y a une version portable maintenant. Ah! C'est le Stretch Pillow Mini. C'est super cute en plus. Ah, ben oui! C'est le même système, sauf que tu le mets sur ton bras. Donc, tu insères ton. C'est un oreiller, un genre de coussin. Ça ressemble un petit peu à une cagoule de veste, une veste normale, avec une cagoule. Là. Bref, pas une cagoule, mais un capuchon. Ça ressemble un petit peu à ça en texture. Et tu t'insères ça sur le brun. Sur le brun. Brun. C'est le brun. Hein? Pardon. Donc, c'est ça, c'est plus pratique, plus facile à transporter. Tu mets ton bras dedans, tu te couches dessus et ça va te permettre d'être confortable, peu importe la situation. Il y a des trous pour la main et pour le pouce aussi. Et on peut monter ça plus haut ou plus bas sur le bras, dépendant de ta façon préférée de dormir. C'est fait de viscose à 95% et 5% d'élastomère. Génial. Supposément très, très confortable. Présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. On demande 25$ pour avoir votre propre Ostrich Pillow Mini. Et t'as vu qu'il a en plusieurs couleurs. Oui, c'est beau. Hey, j'en veux tellement un. J'en veux un bleu, moi. Puis ben là, je veux clairement le noir. Oui, noir aussi. S'il y en avait eu un violet, peut-être. Mais non, là, le noir. Ouais, c'est vraiment cool. C'est bien, c'est que tu peux le mettre comme autour de ta main, fait que tu peux te battre. C'est vrai. Tu peux faire de la boxe. Tu pourrais jouer à des sports aussi, probablement. Genre, mais ça t'en prend deux. Ok, mais t'en faudra. Si tu plates, hein. Ouais. T'es obligé d'en acheter deux. 50$. C'est pas si pire en même temps. 25$, c'est pas si cher que ça. Ensuite, tu sais, les compteurs qu'on va avoir dans la vie d'habitude, ça va être des compteurs de secondes, de minutes, d'heures. C'est des timers, comme on appelle. Ouais, oui, mais oui. Ça, c'est simple. Mais si, mettons, t'es en train de te faire fermenter du kéfir. Des trucs comme ça. Ben oui, moi je fais ça. Régulièrement. Il te faut le Digital Day Counter. Donc, vous pouvez coller ce timer, ce minuteur à succion sur le pot ou le plat ou peu importe. Et ça va compter le nombre de jours que ça fait depuis le début que ça a commencé à fermenter. Hein. Ah. C'est bien. Ça peut compter jusqu'à 99 jours. C'est résistant à l'eau et ça fonctionne au réfrigérateur. On vous en vend deux pour $14 sur Amazon. Très, très cool. Bonne idée, ça. Ouais. Attends que tu veux faire de la kombucha. Moi. Est-ce que tu te souviens de la kombucha? Ouais, c'était pas très bon quand le on avait goûté. Le truc dégueulasse, là. Ouais. Mais c'en est peut-être même pas de la vraie. Je suis sûr que la vraie est encore pire que ça. Probablement. Ouais. Mais moi, je m'en servirais probablement pour... tu sais, je suis un petit peu, on va dire, dédaigneux un peu. Ouais, ouais. Peut-être que je jette mes produits avant leur péremption juste parce que je veux être sûr de pas goûter quelque chose que je devrais pas. C'est comme, mettons, du lait. Hein? Mettons, ou du pain. Ouais. Donc, j'aimerais pouvoir avoir, entre autres, sur mon lait, ce petit truc-là à succion. Ça marcherait sûrement pas sur ma pinte de lait, mais je pourrais savoir combien de jours ça fait que je l'ai ouvert. T'sais. Tu comprends? Mais tu peux pas savoir à rebours, ça? Ouais, mais tu sais, mettons, ouais, mais le contraire marche. Mettons, tu sais que le lait, ça va pas plus que X jours avant de. T'sais. Mettons, je sais pas c'est quoi, c'est une semaine, je pense. Non, non, 10 jours. Que ça. 10 jours, mettons. Moi, tu mets le timer à 10 jours. Je sais pas, je le sens. Je le sens. Ça t'en prendrait comme 40, là. Tu vas virer fou avec ça. Je pense que oui. Je pense que t'es mieux de laisser faire. Ok, je vais laisser faire. Tout va avoir un compteur dans son frigo, ça va être terrible. Ça, ridicule. Voyons, qui a installé une bombe dans ton frigidaire? Mais bon, bref, chacun ses folies. Hein. Justement, parlant de folie, j'ai la folie, et là, vous allez apprendre à me connaître avec le temps, comme ça faisait pas assez longtemps que j'ai mis assez fou pour que vous me connaissiez assez, pour que vous sachiez que vous voulez pas être mon ami. Mais. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Que je collectionne un petit peu des crayons. J'achète beaucoup de crayons. Ouais, t'écris jamais. Rarement, mais tu sais, quand j'écris, j'aime écrire bien, ça. Ouais, ouais. Tu vois, genre. Mais ce que j'ai jamais eu encore, Steph, c'est des marqueurs, des surligneurs qui s'effacent. Oh, non! T'es intrigué, j'ai jamais eu ça encore. T'es sûr? Des marqueurs qui s'effacent, jamais eu ça. J'ai eu des stylos qui s'effacent. Ouais. Ouais. Okay. J'ai eu des crayons mines qui sont pas vraiment avec des mines qui s'effacent aussi, tu sais. Parce que c'est des mines incassables. J'ai eu tout ça, mais j'ai pas eu de marqueurs qui s'effacent. Vous vous rappelez peut-être des Pilot Friction Erasable Ball Point Pen. Ça, c'est des stylos effaçables dont on a parlé dans une précédente chronique. Mais Pilot, comme on les appelle des fois au Québec, Pilot, offre maintenant des marqueurs avec la même capacité d'effaçage d'encre. Donc, c'est des Friction Color Markers disponibles en 20 couleurs, en fait plus de 20 couleurs vibrantes, donc des couleurs vraiment néon et tout. Donc, l'encre est thermosensible. Pour effacer, il faut réchauffer le papier pour le faire. Donc, on va utiliser le bout caoutchouteux. Mais c'est pas vraiment une efface, en fait. Ça agit comme une efface parce que ça change la température du papier. Mais ça fait juste passer ça par-dessus l'encre pour la rendre transparente. Par contre, l'encre va réapparaître lorsque la température va aller en dessous de 14 degrés Fahrenheit. Parce que c'est une question de température et non pas d'avoir effacé l'encre. Ouais, mais c'est assez froid, ça, là. C'est assez froid, tu sais. C'est 30 degrés Fahrenheit, ça, c'est 0 Celsius, là. Donc en bas de 0, pas mal. Fait là. Que, ouais, ouais. Ouais. On peut acheter des Pilot Friction Color Markers chez JetPens pour 1,75$ chaque ou en paquet multi-marqueur pour un léger rabais. Je vois entre autres vert, vert émeraude, vert forêt, vert plus pâle. Ouais, il y a beaucoup de vert, hein. Mais tant mieux, ça veut dire, imagine les autres couleurs, il y a une grande palette, là. Bleu ciel, bleu cobalt, il y en a plein. Mais en fait, il dit mais plus de 20 couleurs. Plus de 20 couleurs, oui. Parce que juste en vert, t'en as comme. En vert et en bleu, t'en as comme. Mais, 10. Je connais pas ça du tout, mais je me demande si le côté température de l'encre doit peut-être limiter leur sélection de couleurs. Je sais pas s'il y a certaines couleurs qui réagissent moins bien à cette, ben, à ce phénomène-là, non. J'en ai aucune idée. Mais bon, vous pouvez aller voir sur. Il y a le lien sur assemblagerequis.com pour vous dire les couleurs disponibles. Ensuite, si jamais il y a des zombies, tu sais, Steph, l'apocalypse oui, des zombies s'en oui, vient. Ben oui. Est-ce que t'es prête? Plus ou moins. Ouais, hein. Il te faudrait ce petit cabinet qui s'appelle le In Case of Cabinet. Lorsque cette infestation de zombies arrivera, l'inévitable, donc, c'est des cabinets de métal solides qui sont remplis de tous les accessoires nécessaires pour vraiment affronter vos ennemis que sont les zombies. Ah, génial! Mais en fait, c'est pas juste les zombies. Non? Non, en fait, bon, ça peut être les zombies. Par exemple, bon, t'as un fusil, un shotgun, un 12-gauge shotgun. T'as un couteau de chasse, une grenade manuelle, etc. T'as aussi, pour les vampires, contre les vampires, un pieu, hein? Ouais. Un marteau. OK. Trois... Je dirais plutôt une masse. Une masse, ouais. C'est pas mal le meilleur mot. T'as de l'ail aussi. Un crucifix. Un crucifix. Ah non, en fait, je pense que le crucifix va avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça va avec les démons. Parce que t'as des loups-garous aussi. Ou là, t'as des balles. Mais là, il y a un crucifix quand même, là, on le voit, là. Non, je sais, mais je pense qu'il est associé à quelqu'un d'autre. Que, ben, peut-être que ça va vous aussi mais avec oui, le vampire. Mais oui, il est dans le In Case of Vampire. Ben, t'as bien raison. Je veux dire, on le voit sur l'image, il est là, là. T'as clairement raison. Hey, mais ce qui est cool, c'est que si jamais tu fais une sauce à spag, ouais. Puis que t'as plus d'ail, tu peux... hein? In case of sauce à spag. Parfait. Briser la vitre. On était rendu au loup-garou, hein, où t'avais des balles de fusil en argent, t'as une amulette protectrice, t'as une flasque de poudre noire, t'as aussi contre les démons avec une grosse croix. Tu vois encore une croix, c'est pour ça que j'avais vu croix, tu sais. Mais crucifix, ouais, croix, ouais. Ça va, c'est pas ma affaire, t'as bien raison. Donc une grosse croix, de l'eau bénite et une bible. Et donc tu peux installer ça c'est sur du ton taponnage. Mur. Ben, ça fait cute comme décor. Mais non, mais ça sert à rien, les vampires, les loups-garous, les démons, il y a juste les zombies qui existent. Il y a juste les zombies. Eh ben, toi, tu crois en une chose, hein, c'est ben, tu, d'où le crucifix, croire en quelque chose qui est... donc, tu montes ça toi-même sur ton mur, tu oublies ça et tu pries, hein, parce que ça va t'aider, c'est sûr. Ouais, hein, ben prier, oui. Pour ne jamais avoir de zombies. Donc, c'est les In Case Of pour environ 180$ sur in-case-of.com. Oh, c'est un peu cher. Un peu, mais pour de la décoration, mais des fois. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau, là, cette esthétique. Là. C'est rouge, c'est cute. Ensuite, Little Spoon, hein? C'est pour aider les enfants et les personnes âgées à manger un peu. C'est fabriqué par Luis Garcia González. T'as pas plus latino que ce nom-là, je pense. Luis Garcia González. C'est un robot nourrisseur, si on veut, qui est fait pour aider les handicapés, les personnes âgées et les enfants à manger. Donc, Hello Spoon vient avec une application mobile remplie d'encouragement, ce qui devrait donc faire de ça un succès avec les enfants. Ah. Ça va jouer de la musique lorsque ça prend de la nourriture dans le bol. Ça va jouer de la petite musique et ça va t'applaudir, t'encourager quand tu vas manger la nourriture qui est offerte. J'imagine que pour les personnes âgées, ça pourrait être un petit peu condescendant. Mais... donc, Louis, tu t'imagines la personne âgée. Bravo, bravo, t'as mangé ta cuillerée. Ouais. Donc, Little Spoon coûte 90% moins cher que les autres machines similaires qui existent sur le marché. Probablement, je savais pas que ça existait ailleurs dans le marché. Mais bon. Donc, typiquement, on vend ça pour 4 000 à 5 000 américains. D'habitude, des gadgets, des robots comme ceux-là. Donc, c'est sur Indiegogo. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la vidéo, je trouve qu'il sort la bouffe vraiment vite du bol, mais c'est parce qu'il y a plein de sauce. Je suis sûr qu'il l'a eu dans la face. Là. Mais ça met de la vie. Tu sais. Indiegogo, en ce moment, vous pouvez donner 399$ pour recevoir une version bêta de Hello Spoon comme récompense. Hello Spoon, j'espère qu'ils en font avec des motifs de Hello Kitty. J'espère bien. J'espère bien. Des claviers avec des fonctionnalités prédéterminées. Pardon, prédéterminés, mais en plus qui sont éclairés par l'arrière. Tu sais, les claviers, des fois, on a déjà parlé de ça, des ensembles de collants qu'on peut mettre sur son clavier avec des touches de Photoshop, mettons, couper, coller, baguette magique, etc. Donc, chez Editor's Keys, on est spécialisé dans les claviers d'ordinateur avec des raccourcis qui sont faits pour les gens qui font de la vidéo et de l'audio directement sur les touches. Étant donné que plusieurs de leurs clients travaillent dans des environnements sombres, par exemple, pour le montage vidéo, on fait ça souvent dans des environnements sombres pour imiter un peu la salle de cinéma. Donc, la compagnie a développé des versions avec éclairage, t'appelles ça rétro-éclairage, éclairé par l'arrière, donc de ces claviers-là chez Editor's Keys. Donc, on dit que ces petites touches-là vont rester brillantes, lumineuses, et ça va pas en fait cacher les lettres qui sont derrière. Donc, ça nous dit... Ça va pas cacher les lettres ou les touches qu'il y a en arrière de chacun des symboles. Bref. Ah, super intéressant. Donc, les différentes variantes sont basées sur les raccourcis les plus populaires, par exemple de Adobe Premiere ou Sony Vegas du côté vidéo. Mais pour la version Kickstarter, Editor's Keys va faire des impressions personnalisées à votre application préférée. Ah! Donc, tu pourras avoir des raccourcis pour Microsoft Paint. Même pas sur le clavier. Donc, pour l'application que vous voulez, la compagnie présentement focus sur Windows, mais on peut quand même donner de l'argent pour une version Mac dans le futur, mais il va falloir attendre plus longtemps. On demande 127$ américains sur Kickstarter pour votre propre clavier rétroéclairé Editor's Keys. Et puis c'est beau! C'est super coloré! Est-ce que toi, tu travaillerais avec ça? Oui, facilement. Ouais? Facilement, mais la version Mac, parce que je trouve mais que oui, c'est, mais oui. C'est con, puis tu sais, c'est peut-être, je suis peut-être un petit peu biaisé et vendu, mais j'ai jamais tapé aussi vite que sur un clavier de Mac. Les touches sont tellement confortables et les touches sont tellement bien espacées et tout que tu tapes plus vite. C'est ben là, que... mon Dieu, c'est juste une question d'habitude, là. Je me demande, moi je pense vraiment que c'est à cause de la profondeur du clavier. C'est beaucoup moins profond un clavier de Mac. Le travel qu'on appelle est beaucoup moins intense. Mais il y en a, mon Dieu, des claviers de PC qui sont faits comme ça. Ce sont toutes des imitations de ça, on dirait. Je trouve. Pourquoi des imitations? Je trouve que c'est eux qui le font le mieux, tu sais. Je trouve. Mais bon, tu sais. Peut-être, ben non, peut-être c'est que ça, t'es juste totalement vendu. Mais là, mon premier, Dieu, c'est un clavier. Je suis pas le premier à dire ça, c'est juste pour ça que je dis ça. C'est écoute, pas juste moi, moi je tape moins vite sur ton clavier parce que je suis pas habituée. Je suis habituée à mon clavier, donc je pense que c'est juste une question d'habitude. Peut-être. Et à un moment donné, c'est sûr que tu développes une préférence, mais je pense que c'est vraiment juste une préférence personnelle. Là. Peut-être. Mais justement, tiens, parlant de préférence personnelle, t'as entendu parler, j'imagine, à quelque part, probablement, de l'histoire du Ben Gates. Ben, c'est toi qui m'en parles sans arrêt. Là. Ah oui, sans arrêt, j'arrête plus. Mais l'iPhone 6, selon certains, pas selon les professionnels puis ceux qui ont fait des tests là-dessus, mais selon le grand public, Apple est trop calme pour savoir comment faire les téléphones, donc les téléphones plient. J'ai entendu ça, je magasinais dans une grande surface la semaine passée, et puis les petites filles de genre 12 ans passent devant les iPods et iPads, Puis il y a une fille qui dit « Ah, les iPhone 6, ils plient. » Ben là, comment ça, dit son ami. « Ah, parce qu'ils sont trop caves pour savoir faire les téléphones qui plient pas. » Genre, j'avais envie de dire « Wow, t'es vraiment au courant de ce que tu dis, toi? » Genre, mais bon, je l'ai pas dit. Commence pas à te citer avec les petites filles dans les centres de show, non, toi. C'est ça, ça pourrait être louche, mais bref. Si vous avez peut-être, ça peut arriver, plier votre iPhone 6 Plus, votre réparateur local pourrait faire quelque chose dorénavant avec un gadget qui se vend, qui s'appelle Panel Press. C'est une paire de pinces spécialisées de la compagnie G-Tool qui vous permet de plier, en fait de déplier, dans ce cas-ci, un téléphone ou n'importe quel autre truc, à sa forme d'origine. Okay? Donc, les pinces devraient fonctionner avec le 5 et le 5S, parce qu'en passant, pour ceux qui pensent que c'est nouveau du 6 Plus, tous les iPhones depuis... minimum, genre, je pense, le 4 peuvent plier. Et toutes les autres marques de téléphone peuvent plier s'ils ont un arrière en aluminium. C'est commun, c'est juste qu'on n'en parle pas parce que c'est pas Apple. Mais bon. Mais donc, ça doit être plus facile, j'imagine, étant donné qu'il est plus grand, parce que ouais, t'as plus de surface. C'est ça, c'est la surface qui compte là-dedans. Mais chez, selon les tests de Consumer Reports, c'était pas le plus facile à plier. C'était dans les plus faciles, mais pas le plus facile à plier parmi les téléphones les plus populaires du moment. Mais bref. Donc, ça peut faire tous ces téléphones-là dans cet appareil-là, comme on a dit, de la compagnie G-Tool. On nous dit ici que le Panel Press est disponible exclusivement via eTech Parts pour $300 américains. C'est plus les compagnies, les revendeurs et les... par exemple, c'est des petites boutiques spécialisées qui peuvent débarrer ton téléphone et faire un paquet de trucs comme ça. Donc, peut-être qu'eux pourraient avoir ça. Ceux qui changent les écrans, entre autres, qui sont pétés. Donc, pourraient avoir ça dans leur backstore. Tu les amènes, tu leur amènes ton iPhone 6 Plus, tu te remets ça en forme, tout va bien. Moi, j'aurais quand même peur de mettre... un gadget à 1000$ là-dedans, oh, ouais. Oh, Seigneur, oui. Moi aussi, mais bon, c'est pour le sauver d'un... Ouais, tu peux pas faire ça par n'importe qui, là. Non, c'est pas toi que tu vas faire ça à la maison, jamais de la vie. Mais justement, si tu peux le plier et le déplier, tu vas probablement le replier par après. Donc moi, je te dirais peut-être que... Achète la machine. Ben, soit achète la machine ou encore assure-toi de mettre un case vraiment solide, un étui solide après, une fois que tu le fais redéplier par l'outil de G-Tool, ouais. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Je pense qu'on est dû pour une deuxième partie. On n'a pas assez eu. Mais non. Clairement pas assez eu. J'ai encore un petit peu de sous. Il en reste dans le fin fond du compte entre les coussins de Ryan Gosling ou autre vedette d'Hollywood. Justement, parlant de Ryan Gosling, on va entendre pas son groupe, mais le groupe nommé en hommage, je pense, à Ryan Gosling. Oui. C'est Gosling sur leur album Harvest of Gold, la pièce titre. On écoute ça à l'instant. À Assemblage Requis. Harvest of Gold. Harvest of Gold par Gosling, Assemblage Requis. Au retour, on continue, c'est l'expression de répondre là. Et après ça, Master Steph. Ah ouais. Les Steph. Je suis toute bleue. C'est dans quoi, 2 minutes et demie maintenant. Ouais. Par rapport à en 2. Y a-tu des poires dans ton affaire? Non. Fou de diversité. C'est Fou 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 15 octobre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Il nous reste encore plein de temps, une heure. Oui. Environ une heure à l'émission d'aujourd'hui. Master Steph, tantôt, on va manger. Ou boire, on sait pas. Ça se pourrait un jour que tu nous fasses un drink. Oui. On n'a pas. Qu'est-ce que tu dis qu'un jour, je vais pas faire un smoothie? Peut-être. Peut-être un smoothie. Pour te redonner de l'énergie. Genre. Mais avant ça, avant de passer à Master Steph, on va continuer d'acheter d'autres affaires. Parce que moi, ça n'arrête pas. On dirait que mes poches sont tout le temps remplies. Hein? Comment? C'est sexiste, ça ne devrait pas, là. Il y a deux poches! Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la collecte des gadgets qu'on achète sur Internet. Il n'y en a jamais assez. Commençons par les licornes. Tu connais les licornes, créature mythique? Oui. Avec une corne, en plein milieu du front, d'où le nom, j'imagine. Hein? Donc, une corne qui leur sort du front, mais ça, c'est bien beau, mais tu peux pas boire avec une corne de licorne d'habitude. Comment ça? Ben, parce qu'il faudrait que tu la vides. Je pense que c'est plein. Je pense que c'est comme un chocolat de Pâques. Plein. Je pense pas que ce soit vide à l'intérieur. Tu fais mal aux dents si tu croques dedans. Ça se pourrait. Donc, mais il y a une compagnie qui vient de sortir, le Magical Unicorn Drinking Horn, qui, comme une vraie licorne, et sans BPA, c'est du plastique ABS qui peut retenir seulement 2,15 onces de liquide. C'est pas beaucoup. C'est un petit peu un shooter, probablement. Un petit peu plus qu'un shooter. Ouais, c'est pas beaucoup. Comme on dit, c'est 2,15 onces, et comme un once, c'est pas mal un shooter. Hein? C'est pas mal ça. Mais des fois, il y a des gros shooters. C'est vrai, un super shooter. Ça serait un super shooter. C'est un shoot-test au lieu d'être un shooter. C'est un shoot-shooter-shoot-test. C'est un, plus pour les anglophones qui vont comprendre la référence, je veux dire. Donc, ici, c'est un produit qui a démarré comme blague de poisson d'avril chez Teen Geek. Mais Teen Geek, vous savez, souvent leurs produits de poisson d'avril deviennent populaires et ils choisissent de faire vraiment le produit. C'est ce qui s'est passé ici pour 20$, 19,99$ américains sur Teen Geek. C'est super beau. C'est très, très joli. Et en plus, t'as un genre de, je dirais presque un vase, pas un vase, un socle. Ouais. Pour mettre un peu comme une chandelle. Ouais, exactement. Parce que ça tient pas debout, une corne de licorne, à part à l'envers. Oui, mais à l'envers, ça se vide de son contenu. C'est ça, c'est pas mal. Ça défait un petit peu la raison d'avoir un shooter. Mais en plus, t'as-tu au sommet de la corne, en fait pas au sommet, mais ce qui serait attaché à sa face, à la licorne, t'as une petite anse pour tenir ta licorne, ta corne de licorne. T'as-tu vu? Oui. Comme une chandelle, ça ressemble vraiment à une chandelle pour moi. C'est super beau. C'est super joli. Ensuite, ça, je pense que c'est pour toi, Steph. C'est le casque sur l'écoute à oreille de chat par Accentwear. As-tu vu ça? C'est Wanking Yan et Victoria Who qui ont probablement créé les écouteurs les plus jolis et plus mignons jamais conçus. Leur design vous transforme en chat ou en chatte. Leur projet a été fondé sur Indiegogo, donc ça se dit pas cette phrase, je m'excuse. Leur projet a reçu des fonds via Indiegogo. Ça a reçu plus de 500 000 $ en financement. Donc, bientôt, ça va être disponible peut-être pour 150 $ américains. C'est rechargeable et ces oreilles-là ont des haut-parleurs intégrés. Donc, c'est vraiment des écouteurs avec des lumières LED tout le tour. Et vers le milieu, tu as des oreilles sur ta tête de chat. C'est cute à mort! Vraiment, et tu as plusieurs couleurs. Il y a mauve! Il y a mauve, il y a rouge, il y a vert. Il y a plein de choix comme ça. Tous avec de plus jolis modèles. Les unes que les autres. Je parle bien sûr des écouteurs et des filles qui les montrent aussi. Donc, c'est Accentwear qui fabrique ça. C'est sur assemblagerequis.com. Le lien, bien sûr. Ensuite, une caméra. Tu sais, les caméras d'action sont de plus en plus populaires avec les GoPro et tout. Donc, c'est HTC qui sort la caméra Reaction qui ressemble un peu à un périscope. Oh, j'allais dire un stéthoscope, mais c'est pas ça du tout. Pas la même chose. Donc, un périscope comme dans un sous-marin, bien sûr. Pas qui se mange, bien entendu. Sans le poulet, sans la sauce ranch et le bacon. C'est ça. Et pas gratiné, non merci. Finalement, c'est de la chenoute. C'est de la chenoute. Donc, c'est fait pour se mettre en paire avec votre téléphone cellulaire pour faire le cadrage et pour jouer des vidéos et des photos. Il n'y a même pas de bouton pour allumer cet appareil-là, le petit tuyau, en fait. Non. Aussitôt que tu le prends dans ta main, ça s'allume. Ah. Okay. Et donc, ça fait partie, comme je disais, du marché des caméras d'action. Donc, la Re, c'est son nom, la Re Action Camera. Re Action, tu comprends? Re, tu sais. Ouais, ouais. Hein? Donc, ça enregistre en 1080p. Ça réagit quand tu y touches, j'imagine? Ça réagit, oui. Exact. Ça, c'est bien dit. Donc, à 30 images secondes, 146 degrés de champ de vision. Aussi capable de prendre des photos en 16 mégapixels. De capturer tout ça avec un seul bouton. Donc, en tapant, ça va prendre une photo et en tenant, ça va enregistrer de la vidéo. Et on peut l'utiliser, attention, roulement de tambour, en dessous de l'eau. Oh, ben j'espère. C'est un périscope. J'espère que c'est pour ceux qui ont choisi la forme. Parce que c'est du génie. Donc, on peut le mettre en paire avec l'application Re sur iOS et Android pour voir ce qu'on est en train de filmer en temps réel parce qu'il n'y a pas de viewfinder, il n'y a pas de place pour regarder dans le périscope. Je trouve que c'est un petit peu une opportunité ratée de ne pas avoir mis, vu que c'est un périscope, une place pour voir directement sur l'appareil. Mais je me dis que ça prendrait plus de batterie. Ouais, mais ça aurait peut-être pas été beau non plus. Je me le demande. Il n'y a pas d'écran, pas de viewfinder, il n'y a rien. Il n'y a juste rien du tout. Donc, c'est ça, on peut le mettre en paire avec iOS et Android pour voir ce qu'on filme. Et après ça, on peut mettre toutes ses vidéos et ses photos sur son téléphone. Donc, petite caméra bizarre en forme. Il y en a qui disent périscope, il y en a qui diraient aussi que ça ressemble à une affaire d'asthme. Un peu. Oui, c'est vrai. Mais à l'envers. C'est vrai. Donc, disponible pour 200$, attends pour les fêtes. C'est en précommande en ce moment. Sky Mall maintenant vend un t-shirt, attention Steph, non pas juste avec du bacon d'affiché dessus, parce que ce serait déjà un bon départ. Ouais, ouais, mais ça serait classique. Classique et surfait, je dirais. Non, il sent le bacon. Wow. C'est le bacon scented t-shirt, un t-shirt en fait très très patriotique parce que le bacon est placé en forme de drapeau américain avec un œuf comme étoile à la place. Ben oui, parfait. À la place. Pas pire. Donc un design très très américain avec une encre spéciale qui donne l'odeur du bacon jusqu'à 6 pieds de distance. Et évidemment l'odeur va finir par partir, ça va durer environ 20 lavages. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Non, j'avoue, mais tu sais, comme on dit, on lave trop souvent ses vêtements, donc si on le lave à chaque 3 fois qu'on le porte, mettons, ça va durer peut-être plus longtemps. T'sais. Ouais, mais quand même. Mais quand même. Savourer chaque moment, bien sûr. Savourer chaque moment. Ensuite. Ah oui, on va revenir aux souliers. On a parlé dans une précédente chronique, c'est-à-dire plutôt tout à l'heure, de lancer qui se lançait tout seul. Mais Digital, en fait, va venir réchauffer vos pieds de l'intérieur et de façon commandée à distance. Hein? Hein? L'hiver s'en vient, on dira jamais assez, mais c'est bien le fun de mettre des bas par-dessus bas, mais c'est pas assez chaud, on veut s'empêcher de geler les pieds. Hein? Ben oui, donc, surtout ici, là, on a besoin d'être ça. Là. C'est l'endroit pas mal pour avoir froid aux pieds, le Québec. Donc, Digital... Non, je parlais du studio. Ah oui, ben c'était confus, mais en effet, les deux s'appliquent. Non, non. Donc, on a besoin de semelles, dans le fond, OK? Qui vont être commandés à distance. Okay? Donc, Digital, c'est pas les premières semelles chauffantes, mais c'est les premières qu'on contrôle avec un téléphone intelligent. Avec quelques petits coups sur votre application, vous allez pouvoir réchauffer vos pieds à la température exacte que vous voulez. Et en plus de ça, ça va aussi savoir quelle distance tu as marché et les calories que tu as brûlées en marchant. Ah! C'est des semelles intelligentes disponibles pour 149$ américains. C'est vraiment le fun. Ouais, quoi de mieux que de contrôler la température localement? Hey, non, mais on est-tu rendu? C'est rendu de même là, parce que dans ta voiture, tes sièges vont chauffer tout seul. Oui. Tes semelles chauffent tout seul. Ah. Il manquerait tes boxers. Ça se fait. Mets-le au micro. Ouais, c'est ça. Puis ça va sentir le bacon. Oh, ou le popcorn. Ensuite, le Blackout Body Flashlight qui fonctionne avec rien d'autre que de l'eau. C'est une lampe de poche qui fonctionne à l'eau. Steph, à l'eau. Allô? Allô? Donc, quand il pleut, quand il pleut. Ça, c'était juste le début de l'article. Je lis littéralement ce qui est écrit. Attention. Lorsqu'il y a un blackout, hein, des fois, il pleut, il va y avoir un blackout qui va venir avec. Mettons qu'on peut faire ce lien-là. Donc, c'est le moment, souvent, où t'as oublié où t'es tes batteries. Tes piles qui auraient été utilisées pour mettre dans ta lampe de poche. Ou en fait, tu sais, sont où? Ils sont juste pas chargés. Ils sont juste... Exactement, bon point, ils sont pas rechargés. Ou il fait trop noir pour les trouver... Mais c'est ça, là, ça te prendrait une lampe de poche. Oui, mais là, ton téléphone en plus, c'était éteint et plus de batterie non plus parce que t'es pas très, très utile à charger tes batteries. Comme tu sais. Comme toi, comme mettons tu moi. Me regardes de même? Non, parce que tu venais de dire que t'avais plus de batterie pour ta lampe de poche. Moi, j'ai plus de batterie dans mon cellulaire. Ah, OK. Fait qu'on se complète en tant que à chier. En tant que personne pas super responsable de batterie. Qu'est-ce que tu veux? Hey, faudrait pas qu'on tombe à Apocalypse, toi et deux ensemble, parce qu'on t'offre pas longtemps. Hein? Non, puis on a remis à plus tard d'acheter le kit de zombies en plus. En plus. Fait que. Une chance, les vampires n'existent pas en plus. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une alternative par Ethan. Ça m'étonne. Hein? Nommée la Black Owl Body H2O. Hein, donc, son nom donne un indice par rapport à comment est-ce qu'on va l'allumer. C'est bien sûr avec de l'eau. Hein? Donc, c'est une lampe de poche qui a besoin de rien d'autre que ça. On met Black Owl Body dans un verre, dans une tasse remplie d'eau. Et boum! Chakalaka! Ça donne de la lumière. Attention, pas de tromper avec ton cellulaire, par exemple. Boum! Chakalaka! Oh! Ça peut donner jusqu'à 72 heures de lumière, ce qui devrait être bien assez pour une apocalypse, en tout cas, au moins le début d'une apocalypse. Ouais. Jusqu'à ce qu'il fasse jour la prochaine fois. Donc, ça se vend pour 10$. Et alors, c'est l'apocalypse, il fera plus jamais jour. Plus jamais jour, t'as raison. Non. J'ai oublié que les zombies et l'apocalypse, c'est pas la même chose. Mais il va tout le temps mouiller. Ouais. Donc, on va toujours avoir de la lumière. Toujours. Toujours. Il y a le logo de la Croix-Rouge américaine dessus. Je sais pas si c'est présenté par eux autres ou fait par eux autres, mais c'est cool. Ouais. Ah, okay. Ensuite, un drone portable. Tu sais, les drones sont bien à la mode en ce moment. Là, Amazon, tout ça, on entend parler qu'ils vont livrer des paquets par drone, etc., etc., etc. Mais imaginez porter un drone qui est capable de voler et d'enregistrer de la vidéo, mais sur votre poignet. Mmh. Oui. Donc, t'appuies sur un bouton, ça sort de ton bras, ça s'envole et ça trouve, ça va tracer tes mouvements. Ça a l'air un petit peu bizarre. On espère que c'est pas une hoax, une grosse attrape. Mais c'est le Nixie, qui est un drone avec propeller, c'est des hélices ça, propeller? Je suis pas sûr. Bref, c'est fait de matériaux flexibles pour pouvoir être enveloppé, entouré autour de votre poignet lorsqu'il n'est pas en train de voler et d'enregistrer vos aventures. Selon le site de Nixie, le produit est en cours de développement et il n'y a pas d'infos par rapport à quand est-ce que ce produit-là va sortir et combien ça va coûter. On peut s'inscrire pour recevoir des courriels avec des démos, des petites vidéos qui montrent même pas encore le produit parce que ça, comme je disais, pas encore développé, c'est en cours de développement. Mais quand même. Mais oui, parce que tu vois l'image, c'est un dessin, hein? Ouais. Parce que si tu regardes le bras à droite, on dirait qu'il y a un biceps sur l'avant-bras. C'est vrai! C'est vraiment mal dessiné. S'ils dessinent leurs produits aussi mal que les bras, là. Ils sont pas courants à l'anatomie des humains, donc imagine l'anatomie des avions. Hey. Je sais pas, mais bon. Nixie, leur site web, pour ceux qui se le demandent, c'est flynixie.com, N-I-X-I-E. Ensuite, des mitaines de four. Steph, c'est bien le fun, mais je suis tout le temps en train de les laisser sur le comptoir, d'oublier de les remettre à leur place, de les accrocher après leur endroit approprié. T'sais. OK. Mettons. Puis c'est pas beau une mitaine de four sur le comptoir. Non. Donc, j'aimerais pouvoir juste les lancer sur le four puis qu'ils restent collés là. Ah, parce que tu trouves que c'est plus beau, toi, des mitaines de four collées après le frigo puis le poêle. Non, en fait, maintenant que t'en parles, pas vraiment. Ah non, on dirait une grosse patch. En effet, on dirait un tampon. Pas un tampon, une serviette sanitaire, excuse-moi. Hygiénique. Et boy. Donc, c'est en effet la MagnoTag Magnetic Oven Mitt. Donc, oubliez les crochets, les tiroirs et cherchez vos mitaines de four. Parce qu'ils ont des aimants très, très intenses, très, très collants, si on veut. Très aimanté, on pourrait le dire. En fait, j'en parle, puis ça existe depuis toujours, ces mitaines-là, puis je sais pas pourquoi j'en parle, je trouve ça plate dans le fond. Comment une mitaine, ça existe depuis toujours? Des mitaines avec des aimants, non? Mais j'avais jamais vu ça. Non? Bon, non. Tiens, je t'en apprends un peu. Mitaine avec des aimants. Ouais, mais c'est parce que c'est comme une grosse mitaine. Oui. Mais c'est vrai. C'est ça, t'as raison, c'est comme pas deux mitaines indépendantes, c'est une mitaine à deux côtés, avec un long morceau de tissu entre les deux. Ouais. Dans le fond, puis tu peux mettre tes deux mains dedans, j'avoue que ça valait la peine d'être précisé. Ça pourrait aussi ressembler à une ceinture de sumo. Ça ressemble à plein d'affaires. Une grosse patch. Ensuite, allons-y avec ce petit nid d'amour pour... c'est sûr qu'il reste pas beaucoup de temps pour s'en servir parce qu'à l'extérieur, il commence à faire froid, même si aujourd'hui, on me dit qu'il fait chaud. Mais relaxez en confort total la prochaine fois que vous allez sortir dehors ou dans la forêt en amenant ce petit nid pendu dans les arbres. C'est un genre de cocon portable qui va être attaché à des branches d'arbres, bien sûr, qui sont capables de supporter votre poids. Et ça va vous créer un environnement protecteur, confortable pour pouvoir savourer la nature. T'as vu que ça ressemble un peu à une toupie? Oui, genre. Oui, c'est ça. Je cherchais à quoi ça ressemblait. Ou un petit sac de thé, des fois, de cette forme-là, ça arrive aussi. Donc, c'est un peu triangulaire par le haut. Et ensuite, vers le bas, c'est un petit peu un genre de bol. Donc, t'es assis là-dedans et t'es suspendu à un arbre. Oh, wow! C'est un hamac sans avoir besoin de deux arbres, finalement. Ben, c'est pas tant un hamac parce que c'est fermé. Ouais, puis c'est comme une tente. Mi-chemin entre une tente et un hamac, mais avec un seul arbre. Et ça a l'air confortable. C'est un cerceau, un cerceau qui tient ça en place, bien on sûr. On a vraiment le goût de se coconner là-dedans. Coconner, faire du coconning. Ouais. Ça coûte 500$ comme ça. Ensuite, on va en faire, je sais pas si c'est un dernier, mettons, peut-être un nom... Deux derniers, je sais plus combien en faire. Ah tiens, on va y aller avec celui-là. Quand vous êtes à la maison avec votre ordinateur, la caméra sur votre ordinateur, il y en a qui vont penser à la théorie du complot qu'elle s'allume tout seule. Ah ben oui. C'est sûr que le gouvernement me surveille. Donc, il te faut ces petits Nope Privacy Shield. C'est une paire d'aimants, en fait. Un aimant qui va par-dessus la caméra et l'autre qui va de l'autre côté de la caméra. Donc, je sais pas si c'est... OK, de l'autre côté de quoi? OK, c'est pour votre portable et non pas pour votre ordinateur qui sera trop épais pour ça. Votre portable, donc l'aimant va être d'un côté et de l'autre du moniteur de votre écran. C'est pas mauvais de mettre un aimant sur un... Je pense que non. Un écran? Je pense pas. Des petits aimants comme ça me surprendrait que ce soit vraiment nocif. Donc, une fois en place, Nope ne bougera pas. Oui, son design simpliste rend ça joli au regard aussi. Et Nope donc va partiellement, si on veut, presque léviter par-dessus votre écran. En fait, non, ça dit que ça lévite littéralement par-dessus votre écran. Donc, ça ne toucherait pas à votre appareil du tout. Ah. Dans le fond, les deux aimants sont comme attirés, repoussés, tu sais. Je sais pas comment ça marche, là, je connais pas ça. Mais ça ramasse de l'argent sur Kickstarter. Alors, on demande 5$ pour votre propre Nope Privacy Shield. Qui est pas cher. Non. Mais ça sert à rien, donc c'est cher. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'on va y aller avec... Tiens, quand on se promène en vélo, des fois, on veut tenir un verre. Des fois, on va aller même en vélo chercher quelque chose à boire. Une slush? Une slush, mettons. Et là, t'es pogné pour conduire avec un seul côté de ton guidon. Ah, ça, c'est horrible. C'est pas sécuritaire du tout. Donc, il faut Death at Sea Bicycle Cup Holder. Souvent, les accessoires pour vélo, ça va avoir l'air cheap. Mm-hmm. Ça va avoir l'air, tu sais, du plastique cheap. Ouais, ouais. Donc, tu voudrais jamais attacher ça à ton joli vélo urbain de titane ou je sais pas trop quel matériau. Donc, c'est pas le cas avec ce cup holder, donc ce socle à verre de la compagnie Death at Sea, basée à Brooklyn. Ils sont connus pour leurs produits qui sont coupés au laser. Donc, Death at Sea, a fait ce produit-là avec du silicone, du caoutchouc silicone, soit gris ou vert, coupé encore une fois au laser. On dit que c'est fait plus pour les vélos pour hommes. J'avoue que le look est quand même assez masculin typiquement. Mais ben non, j'aimerais ça. Mais c'est parce que c'est sûr c'est vélo pour homme, parce que si la barre est en descendant, ça va être croche, fait que tu risques de juste te renverser ton produit sur toi. T'as bien raison, parce qu'il faut le dire que le socle à verre tient par des snaps au tube du milieu de votre vélo. Au frame. Au frame. Ouais, c'est pas mal la seule affaire après laquelle tu pourrais l'accrocher, parce que sinon c'est la roue, puis... La roue? Le guidon. Voilà. Donc, c'est ça, c'est supposé empêcher de faire des dégâts aussi. Si t'en fais, ça se lave très facilement parce que c'est du cuir. Donc, 50$ chez Death at Sea. Et on va terminer avec celui qui, je crois, t'a impressionné le plus aujourd'hui. Ben là, impressionné, c'est relatif, là. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est le sac à dos Scrotum Backpack. C'est un sac à dos qui est fait exprès pour avoir l'air le plus possible d'une poche. C'est malaisant à regarder, donc c'est rien à dire de plus que ça ressemble à une poche, un sac testiculaire. Mais ils ont vraiment mis des poils. Des poils, c'est là. Ça va causer la jalousie chez les hommes et les regards pour vrai, ça vaut la peine d'aller voir tellement c'est... C'est parfait, hein? Et le gars, en plus, qui porte ce sac à dos-là, est chauve. Donc, le contraste entre le gars chauve et son sac à dos poilu de scrotum est juste parfait. Je crierais au Photoshop. Au Photoshop parce qu'il n'y a pas de lien pour aller l'acheter. Ça va vers un Reddit. J'espère que ça existe. J'espère aussi. Mais est-ce que je suis du genre à faire les recherches pour savoir si ça existe? Non, je veux pas avoir ça dans mon historique de furetage sur Google Chrome. Voilà, c'est tout pour une portion extra, extra grosse poche de ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Oh, fantastique. On finit ça sur une note impeccable. Ah, vraiment, là, c'est, on n'aurait pas pu demander mieux. Non. Je trouve que c'était bas. C'était même basse-cour. Ah, OK. Ouais, c'est douteux un peu. Voici basse-cour de Paul Léon. C'est original comme lien. Vraiment, c'est vraiment pertinent. Pardon si je m'abuse. Je pars trouver du silence qui traverse et m'amuse à séduire la cadence. Les spotlights me grugent, je l'iris. Certaines trouvent le fond du précipice. S'ennuyer du soupir de la gâchette. Retrouver le sourire d'une traite. Sourire sans mentir. Oh. Le vent venant d'une terre de mille acres fait danser les murs de plâtre. Le vent qui vogue d'un rang à l'autre me rappelle le temps d'une paix sans faute. Me rappelle le bonheur sans cause. Basse-cour de Port-d'Aléon à Assemblage Rocky. Au retour, bien sûr, c'est Master Steph. Ben, tu sais. Préparez votre bouche. En fait, c'est plus nous, hein. Vous allez juste être jaloux. Que vous pouvez pas goûter, vous autres. Il y a personne qui va goûter dans le public. Juste nous. C'est pas vrai, ça. Ben, si vous vous présentez à la porte d'ici la fin de l'émission, d'habitude. Ouais. Il nous ouais. en reste encore. Allez, restez là. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes à l'Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. Oui, l'émission qui se lève en même temps que vous et se reprend conscience tranquillement avec le fil de l'émission.

Gérard et bonne fête. Bonne fête, Steph. Merci. Ah oui. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Après une bonne nouvelle comme bonne fête, c'est une mauvaise nouvelle. Oh, mais il nous reste des biscuits. Mais on est de retour demain. Entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Mm-hmm. Restez sur nos ondes tantôt. Il y a le dîner de con, vendredi janvier à 11h. Mm-hmm. Ensuite, connaître ensemble à 13h. Je serai de retour seul pour l'animation des Palmarès Cifou à 14h. Mm-hmm. Oh. À 17h, la rediffusion de Palmarès du Monde. 18h, Audiomatique. 19h, Les Audacieuses. Cifou.ca pour la programmation complète. AssemblageRookie.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. On remercie à personne aujourd'hui. C'est juste nous deux. Donc, merci toi, Steph. Oui, merci Mathieu. Ça fait plaisir. Puis on se retrouve demain à 6h30. Merci aux biscuits. Merci aux glaçages. Merci au clou de girafe d'exister. Ah oui, merci. Girafe. C'est comme Béroff dans 19-2, mais là, c'est... Girafe. C'est girafe. OK, oh. À demain. Bye. Bye.